Avarice par Lucide de la rue Mardrus. L'avarice est peut-être le vice le plus proprement humain qui soit, car nous ne voyons guère son équivalent dans le monde animal. Basé sur cette abstraction qu'on appelle l'argent, il n'a sa résidence que dans l'esprit, ne vit que de calculs mathématiques, et dans le cerveau de ceux qui en sont affligés, ne projette qu'une image dépourvue de toute sensualité, métal glacé qui ne serait bien sans la valeur absolument conventionnelle qu'on y attache. Si la richesse ne se transmute pas en luxe, plaisir, bienfaisance, beauté, facilité de vivre, si elle n'est pas la baguette des fées, elle n'est rien. On connaît la légende du bédouin mourant de faim et de soif dans le Sahara et qui déterrant par hasard un sac dans lequel il espère trouver de quoi reprendre des forces, s'écrie douloureusement « Ce ne sont que des monnaies !» Mais pour l'avare, le pur, le vrai, même dans le désert, même mourant de faim et de soif, ces monnaies seraient encore quelque chose. Vice rentrant, vice, si l'on peut dire, concave, l'avarice, absolument incompréhensible pour quiconque n'eût jamais même la velléité de thésauriser, a pourtant ses nuances. Et les grigous sont loin de ressembler les uns aux autres. Avant d'être passé par la petite aventure qu'elle me conta beaucoup d'années plus tard, Alix croyait son oncle Paul un avare tout d'une pièce. Depuis sa plus petite enfance, elle entendait la famille rire de lui quand il n'était pas présent, et c'était même un jeu pour elle et ses petits frères et sœurs, lorsqu'il venait une fois l'an les voir à Paris, de lui chercher des occasions de manifester son épouvantable tare. On avait coutume de dire que lorsqu'il lui fallait payer quelque chose ou donner un pourboire, il n'enfonçait dans sa poche qu'un seul doigt pour être sûr de ne pouvoir y prendre son porte-monnaie. Les ruses qu'il employait dans ce but avaient quelque chose de presque génial. Les enfants faisaient des paris, somme toute, la visite annuelle du bonhomme était un de leurs plus grands plaisirs. En grandissant, ils perdirent de cette gaieté. Célibataire, l'oncle était à héritage. Cependant, il semblait bien avoir l'intention de devenir centenaire. Les garçons, arrivés à l'âge des plaisirs, fronçaient les sourcils. Les filles songeaient au mariage, et sans doute commençaient à regarder du côté des sous inutiles que le vieil avare savait si bien cacher. Au fond de cette petite ville provinciale, figure légendaire qu'on se montrait en chuchotant, il vivait de privation, ne mangeait certainement pas à sa faim, portait des vêtements jusqu'à l'usure complète, et solitaire, n'admettait personne pour le servir et soigner dans la belle maison qu'il tenait de ses ancêtres. Martyr de son vice, il devait y trouver de bien grandes délices pour lui sacrifier ainsi tout le reste. Cette année-là, plus malicieusement encore qu'en leur enfance, les neveux et nièces combinèrent un tour de leur façon pour mettre leur oncle à l'épreuve. Ils se concertèrent avec une véritable méchanceté, car ils commençaient à franchement détester l'avare. Il fut donc convenu que dès le lendemain de son arrivée à Paris, Alix l'emmènerait au cinéma. Une amie lui avait donné deux places. Jusque-là, l'oncle n'avait rien à payer. Mais il s'agissait de se rendre en métro jusqu'au boulevard. Et c'était là que le drame commencerait. Car Alix, au moment de prendre les tickets, ferait semblant d'avoir oublié son argent et demanderait au vieux de payer, ce qui ne s'était jamais vu quand ils sortaient ensemble. Car chaque fois que l'occasion se présentait, il ne manquait pas de murmurer « Avance-moi ça, petite, je te le rendrai ce soir. » Et ne rendait naturellement rien. Ou bien il prétendait avoir tout oublié, ou bien il promettait « Demain matin, sans faute. » Et le souffle court de sa poitrine, ses petites sueurs, ses regards traqués, constituaient le spectacle escompté par ses bourreaux, et qui n'était pas sans charme non plus pour les parents conviés à y assister. « Cette fois, dit Alix, c'est au guichet même du métro qu'il devra payer. » Aussi bien à l'aller qu'au retour, à savoir 4 fois 14 sous, car il ne voudra prendre que des secondes, bien sûr, donc 2,80 francs, de quoi le rendre fou. Et comme il adore le cinéma et n'y va jamais, ce sera prendre ou à laisser. Tandis qu'elle trottine à côté de lui sur le trottoir, il sourit de toute sa figure chafouine. Il est heureux d'avance du plaisir qui ne lui coûtera rien. Cette petite Alix est vraiment débrouillarde pour avoir obtenu ces deux bons fauteuils sans donner un sou. Ce film est justement celui qu'il désirait voir plutôt que qu'un autre. On en a parlé jusque dans le journal local que lui prête son voisin et ami là-bas, dans sa petite ville. Ses rides remontent et se multiplient au coin des yeux, signe de joie. Les voici parvenus au métro. Soigneusement, l'oncle Paul regarde quelques affiches afin de laisser sa nièce aller seule au guichet. Elle revient presque en courant. À la bonne heure. Elle est non seulement débrouillarde, mais de plus en plus expéditive. Quelle bonne petite fille tout de même. Elle fera bientôt une épouse parfaite, et l'homme qui la choisira sera vraiment heureux. Oncle, oncle, il m'arrive quelque chose de bien embêtant, j'ai oublié mon argent. Le premier mot de l'avare. Cours le chercher, nous avons encore un peu de temps. Mais pas du tout, oncle, nous allons manquer le commencement. Vite, vite, donnez-moi 28 sous. 28 sous. Il suffoque, il transpire. Alex jubile. Alors le geste célèbre. Un seul doigt dans la poche. Ça y est, je vais le voir, son porte-monnaie. Non. Décidément, il ne peut pas. Un instant, il ferme les yeux. Le sacrifice est consommé. Le film qu'il avait tant envie de voir, il ne le verra pas. « Je vais te dire, » bégaya-t-il, « j'oublie mon argent moi aussi. Nous n'avons qu'à rentrer tous les deux. » C'est encore plus fort que ce qu'on attendait de lui. La jeune Alix pourtant tient à voir elle aussi ce film si tentant. Elle retient comme toujours les moqueries et les insultes qui gonflent ses lèvres. « Ne pas compromettre l'héritage !» Elle fait celle qui fouille son sac et tout à coup retrouve au fond quelques monnaies. Quelle chance! Quelle chance! Au retour, détendue un moment par le beau spectacle, elle reprit sa colère où elle l'avait laissée et aussi sa malice. Cette fois, oncle, je n'ai plus un sou. J'ai donné ce qui me restait comme pourboire à l'ouvreuse, vous avez vu. Alors il faut rentrer à pied. Et vous ne pouvez pas à cause de votre jambe. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors se révéla, si longtemps insoupçonné, le secret de l'oncle Paul. Une détresse monta dans ses yeux brodés de 1000 petites rides. Tout son visage se contracta, grimace si tragique que la jeune fille en eut une espèce de frémissement. Au milieu de la foule qui les bousculait, non sans une honte assez émouvante à voir passer sur ses traits de vieillard, non sans une pénible candeur poussée jusqu'à l'enfantillage, il dut confesser au jeune être qui le dévorait du regard ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Alix. S'étangla-t-il. Nous allons prendre un taxi, que tu feras payer par la concierge. Parce que vois-tu, mon enfant, je ne peux pas te donner ces 28 sous. Je sais bien que tu n'es pas assez riche pour payer un taxi. Cette fois-ci donc, je te jure que je te rendrai ton avance, et même celle que tu m'as faite jusqu'à présent. Écoute-moi bien. Si tu rentrais, je vais te signer un petit chèque. Je faillis, raconte Alix, tomber à la renverse en entendant ces mots. Tu comprends? Signer un chèque, ce n'est pas la même chose que tirer de l'argent de sa poche. On signe, c'est tout, et l'on ne voit rien, on ne sent rien. Mais tirer de l'argent de sa poche, ah, si tu savais! Pour moi, c'est comme si je m'arrachais les entrailles. Nous sommes rentrés en taxi, continue Alix, mais malheureusement pour l'oncle Paul, j'avais compris la leçon. Et je vais bien vous étonner. Avant de mourir à plus de 90 ans, 2 ou 3 fois à moi-même et à ma famille, il nous a signé des chèques, et qui représentaient des sommes assez gentilles, je vous assure. C'était Avarice, par Lucie de la rue Mardrus.